Quelque temps après, le hasard amène à Chaillot le fils du vieux G.M., le fermier général. Monsieur de T., qui s'y trouve, arrête un mouvement haineux du chevalier et obtient que le jeune homme restera à dîner, car il est de ses amis. Malheureusement, G.M., le fils, s'éprend à son tour de Manon. À son tour, il songe à la tenter par l'appât des richesses. Monsieur de T., qui reçoit cette confidence, est fort embarrassé et court prévenir des Grieux. Un avis si pressant me fit regarder cette affaire d'un œil plus sérieux. Comme il me semblait impossible d'éviter la visite de G.M., et qu'il me le serait aussi sans doute d'empêcher qu'il n'avoue ses sentiments à Manon, je pris le parti de la prévenir moi-même sur le dessein de ce nouveau rival. Je m'imaginais que, me sachant instruit des propositions qu'il lui ferait, et les recevant à mes yeux, elle aurait assez de force pour les rejeter. Je découvris ma pensée à M. de T., qui me répondit que cela était extrêmement délicat. « Je l'avoue, lui dis-je, mais toutes les raisons qu'on peut avoir d'être sûr d'une maîtresse, je les ai de compter sur l'affection de la mienne. Il n'y aurait que la grandeur des offres qui pût l'éblouir. Et je vous ai dit qu'elle ne connaît point d'intérêt. Elle aime ses aises, mais elle m'aime aussi. Et dans la situation où sont mes affaires, je ne saurais croire qu'elle me préfère le fils d'un homme qui l'a mise à l'hôpital. » En un mot, je persistais dans mon dessein. Et m'étant retiré à l'écart avec Manon, je lui déclarai naturellement tout ce que je venais d'apprendre. Elle me remercia de la bonne opinion que j'avais d'elle et elle me promit de recevoir les offres de G.M. d'une manière qui lui ôterait l'envie de les renouveler. « Non, lui dis-je, il ne faut pas l'irriter par une brusquerie, il peut nous nuire. Mais tu sais assez, toi, friponne, ajoutai-je en riant, comment te défaire d'un amant désagréable ou incommode ?» Elle reprit, après avoir un peu rêvé. « Il me vient un dessin admirable, et je suis toute glorieuse de l'invention. G.M. est le fils de notre plus cruel ennemi. Il faut nous venger du père, non pas sur le fils, mais sur sa bourse. Je veux l'écouter, accepter ses propositions et me moquer de lui. » « Le projet est joli, lui dis-je, mais tu ne songes pas, ma pauvre enfant, que c'est le chemin qui nous a conduit droit à l'hôpital. » J'eus beau lui représenter le péril de cette entreprise, elle me dit qu'il ne s'agissait que de bien prendre nos mesures, et elle répondit à toutes mes objections. « Donnez-moi un amant qui n'entre point aveuglément dans tous les caprices d'une maîtresse adorée, et je conviendrai que j'eus tort de céder si facilement. » La résolution fut prise de faire une dupe de G.M., et par un tour bizarre de mon sort, il arriva que je devins la sienne.